إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، que toutes les louanges soient à Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, et que les salutations d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur toute sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons, et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et ne mourrez qu'en étant musulman soumis à Allah. Et on doit se rappeler que personne ne peut fuir d'Allah. Personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et craignez le jour où vous reviendrez devant Allah Azza wa Jal. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah. Et tout ce qui est inventé dans la religion d'Allah, ça s'appelle des innovations religieuses. C'est le fait de chercher à se rapprocher d'Allah azza wa jal par quelque chose qui n'est pas légiféré ou qu'on n'a pas de preuve. D'accord, c'est ça une innovation religieuse. Donc toutes les mauvaises choses sont des innovations religieuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les innovations religieuses sont un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Il est très important pour tout musulman de rechercher la science légiférée, le ilm, connaître sa religion. C'est une obligation. C'est une obligation. Ce qui fait partie de nawaqid l'islam, ce qui annule l'islam, c'est le fait de délibérément ne pas vouloir s'éduquer dans sa religion. Vous voyez le danger? Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné, talib al-ilm wajib ala kull muslim. Rechercher le savoir est une obligation pour tout musulman. Alors, c'est pour ça qu'il faut être très précis dans les termes qu'on utilise. Si on utilise le terme « obligation », ça veut dire que si quelqu'un le délaisse, ça veut dire qu'il pêche. Vous voyez? Donc, il est très important de rechercher ce savoir correct, d'avoir la compréhension claire, une compréhension pure, et ceci avant de parler et d'agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui dont Allah lui veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Il lui donne la bonne compréhension, il lui donne la clairvoyance dans la religion. Et c'est pour ça que les ulama, c'est-à-dire les savants, ont dit: ceci implique que celui qui ne recherche pas le savoir, qui ne recherche pas à avoir la compréhension correcte, c'est un signe qu'Allah ne lui veut pas de bien. Car seul Allah sait qui mérite la guidée de celui qui ne la mérite pas. Barakallahu fikum. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, a un chapitre qui s'intitule « Bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal ». Le chapitre du savoir, le chapitre de la science, avant de parler et d'agir. Parce qu'il n'est pas permis d'adorer Allah Azza wa Jal comme on pense que c'est bien. Ou comme on croit être correct. D'accord ? Parce que Allah Azza wa Jal a légiféré sa religion. Elle est complète. Allah Azza wa Jal a dit, dans surat al-Ma'ida, le troisième verset, « Al-yawm akmaltu lakum dinakum. » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Elle est complète. Et il n'y a rien à retirer, rien à rajouter. C'est une religion de suivi. Comme Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Attabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum » Suivez et n'innovez pas, ce que vous avez est suffisant. Yani le Coran et la Sunna. Donc « Babul ilm qabla al-qawl wal-amal » le chapitre de la science avant de parler et d'agir. On ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler et on n'a pas le droit d'agir si on ne sait pas. Mais on demande. Comme Allah Azza wa Jal dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, qui est un étudiant cheikh l'islam ibn Taymiyyah, a dit dans un livre sur al-Ulu, l'élévation d'Allah Azza wa Jal, pour réfuter en fait ceux qui voulaient dire qu'Allah il était partout. Ça. Il commence le début du livre en écrivant « Takallam bi'ilm aw usmut bi'ilm » « Parle avec savoir ou tais-toi par sagesse. Hein? »« Parle avec savoir ou tais-toi par sagesse. » Avec sagesse. Par sagesse. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que soit on connaît la preuve et on dit « Voilà pourquoi on peut faire ça ou pourquoi on ne peut pas. » C'est-à-dire celui qui veut faire quelque chose, il doit ramener sa preuve. Il ne peut pas dire « Je veux faire quelque chose ou j'ai envie de faire ça de cette façon-là. » Et toi, tu lui dis « Ben, il ne peut pas lui te dire « Ramène-moi une preuve. » Non, c'est à lui de ramener une preuve. S'il veut faire quelque chose, il doit ramener une preuve. On est d'accord. Parce que Allah Azza wa Jal a complété et légiféré cette religion, comme on verra tout à l'heure dans le détail, dans les deux sahih de l'imam Bukhari et Muslim. Dans la narration rapportée par Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad » Celui qui invente quelque chose qui ne fait pas partie de notre enseignement, qui ne fait pas partie de notre ordre, se verra rejeté. Et dans la riwaya fi muslim, la narration qui est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toujours selon Aïcha radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait un acte d'adoration qui ne provient pas de notre ordre se verra rejeté, ce n'est pas accepté. Donc soit on sait, on connaît la preuve et donc on applique. Babul 'ilm qabla al-qawl al-'amal, le chapitre 2 de la science du savoir avant de parler d'agir. Takallam bi'ilm aw usmut bi'ilm. Parle avec savoir ou tais-toi par sagesse. Et Allah Azza wa Jal dit dans sourate Muhammad, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et sache, sache. Donc sache, tu dois savoir que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Et ça, c'est très important, comme les ulama l'ont mentionné, de connaître quel est le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai. Si on pose la question aux musulmans aujourd'hui, voire même aux non-musulmans aujourd'hui, quel est le message de l'islam? Les gens, ils sont perdus. Avec tout ce qui se passe, ils sont perdus. Ils ne savent plus. C'est quoi? On ne doit pas boire de coca. On ne doit pas faire. C'est quoi le message? On ne doit pas manger de porc. On doit... Subhanallah. Et ça, c'est le problème. Le musulman, il ne connaît plus sa religion. Comment il peut inviter les gens à l'islam? Subhanallah. Yani, si nous lisons au début de Sahih al-Bukhari, hein, les débuts de la révélation dans Sahih al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le Coran. Yani, Abu Sofyan, avant de se convertir à l'islam, Donc là, la narration, c'est rapporté lorsqu'il n'était pas musulman. Et il était parti voir l'empereur Héraclius. D'accord. Héraclius, cet empereur romain, lui a dit « Ah, quel est le message, yani, de votre prophète ?» Celui de cet homme qui se dit prophète. Subhanallah. Quelle fut sa réponse? Il lui a dit « Il nous invite à unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration, à ce qu'on adore que Allah, et qu'on se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. » Yani, ça, ça doit faire réfléchir normalement. Vous voyez, c'est pas juste lire le Coran pour le lire. Pour lire les hadiths, pour les lire. Et en pensant qu'on a fait quelque chose. Il faut comprendre ce qu'on lit. Barakallahu fikum. Comment se fait-il que les kofars du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissaient le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et qu'aujourd'hui, même le musulman ne connaît même pas quel est le message de l'islam. Subhanallah. Vous voyez le problème, il est où? Le problème, c'est que ça, après, ça a un impact sur les comportements individuels. D'accord? Parce que si l'individu corrige sa relation avec Allah Azza wa Jal, il est sincère dans cela, il craint Allah Azza wa Jal, il sait que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal, il sait qu'il devra rendre des comptes, ça améliorera son comportement avec le monde qui l'entoure. Parce qu'il sait que les gens ont des droits. Et donc il fait attention à ça. Il fait attention de ne pas parler sur un tel, de ne pas mettre des gens en conflit. Parce qu'il sait qu'il devra rendre des comptes aussi. Vous voyez l'impact que ça? C'est pour ça que les ulémas ont dit, celui qui concrétise le pur monothéisme, que ça veut dire que tu fasses que pour Allah Azza wa Jal, ce qu'on dit en arabe, tawhid. D'accord? Comme on dit les ulémas, tawhid, yadfa'u sahibu lil'amal salih. يدفع صاحبه للعمل الصالح فكلما اكتمل توحيد العبد منعه توحيده عن اقتراف الذنوب. سبحان الله. Donc à chaque fois que l'individu perfectionne sa relation avec Allah en faisant tout que pour Allah, sincère, seul, sans lui associer, qui ne place sa confiance qu'en Allah, qui ne s'en remet qu'en Allah, il ne lit pas les horoscopes ou bien fait tout ce qui est en opposition avec l'islam, d'accord? Ou bien aller voir les sorciers, les devins, et qu'est-ce qui va se passer? Non, il ne s'en remet qu'à Allah. Il sait que s'il lui arrive quelque chose, c'est qu'il est éprouvé, c'est un test d'Allah Azza wa Jal, qu'il doit patienter, d'accord? Et il ne nous arrive que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Barakallahu fikum. Donc, lorsque l'individu perfectionne sa relation, son pur monothéisme, avec Allah Azza wa Jal, d'accord? Eh bien, cela va l'empêcher de commettre des péchés. Cela va l'empêcher de commettre des péchés. D'accord? فالموحد قد امتملا قلبه بمحبة الله وإجلال الله وتعظيم الله وامتلا قلبه بخوف من الله فيدفعه هذا كله إلى العمل الصالح. سبحان الله. Rien à part les savants de la sunna. Il dit donc que l'individu qui unifie Allah dans l'adoration, dans tout ce qu'il fait, d'accord? Lorsqu'il sacrifie un animal, il ne le fait que pour Allah. D'accord? Il ne va pas faire ça pour un wali ou quelqu'un qui est mort, il va faire ça pour lui. Non, c'est interdit, c'est haram ça. Et ça oppose même le pur monothéisme. Il ne s'en remet qu'à Allah. À chaque fois, il va essayer de perfectionner sa relation avec Allah Azza wa Jal, avoir perfectionné son pur monothéisme. Et ça va le mener à faire de bonnes actions autour de lui. Mais ça, c'est lié à quoi, ça? Ça, c'est lié avec le ilm, le savoir. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a joint dans le hadith, le savoir avec la piété. En leur disant à ses compagnons, je suis celui qui connaît le mieux Allah parmi vous. Et je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous. Le plus tu connais Allah, le plus tu le craindras. Hein? Le moins tu le connais, le moins tu t'éduques, rien ne t'empêchera de faire des péchés. Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah kana alaykum raqiba » Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. « Inna Allah kana alaykum raqiba » Allah vous observe constamment. S'il y a quelqu'un qui a dans sa tête qu'Allah l'observe constamment, il est dans une situation et il sait qu'Allah l'observe, il va avoir honte de lui-même. Qu'Allah l'observe et il est dans cette situation. Vous voyez pourquoi ça peut corriger? Pourquoi ça corrige? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. Allah n'a pas fait descendre une maladie excepté qu'il a fait descendre son traitement. Celui qui le connaît connaîtra le traitement et celui qui l'ignore l'ignorera. Et le traitement de cette maladie qui est l'ignorance, c'est quoi? C'est le ilm, c'est le savoir. Pour preuve, vous connaissez tous ce hadith où il y avait un compagnon qui s'était plaint en disant que il n'était pas en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il disait aux autres, j'ai un mal au niveau de la tête, est-ce que vous me permettez de faire du tayammum? Le tayammum, d'accord? Ne pas utiliser de l'eau. Parce qu'il craignait que, en mettant de l'eau au niveau de sa tête, il risquait de lui arriver quelque chose. Et ils lui ont dit, nous ne te permettons pas cela. Il a fait les ablutions et il est mort. Donc des compagnons sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont rapporté ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qatalou qatalahum Allah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna ma shifa'ul 'ayy as-su'al. Ils l'ont tué. Allah. Ne questionnent-ils pas quand ils ne savent pas? Le traitement de l'ignorant, c'est le fait de questionner ceux qui ont la science. Subhanallah. Oui. Et le danger de l'ignorance et de l'incompréhension fut décrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il l'avait dit à des gens qui lisent le Coran. Il avait dit « Yaqra'oun al-Qur'an la yujawizu hanajirahum » Ils lisent le Coran, mais il ne dépassera pas de leur gorge. Il ne dépassera pas leur gorge. Il n'atteint pas leur cœur. Subhanallah. يَأْخُذُونَ أَنفُسَهُمْ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ فِيهِ وَلَا يَعْرِفُونَ مَقَاصِدَهُ. Donc ils se mettent à lire le Coran alors qu'ils ne comprennent rien. Je lui dis, qu'as-tu lu? Dis-moi, qu'est-ce que tu as compris? Il ne sait pas. Juste il lit pour lire. Regardez les sahaba comment ils faisaient. Il ne mémorisait pas 10 versets. Il mémorisait 10 versets, il ne passait qu'aux 10 suivants, jusqu'à ce qu'ils ont pleinement compris les 10 versets, les ont appliqués, puis passaient aux suivants. Subhanallah. Alors si tous les musulmans suivaient les sahaba dans leur façon d'agir, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui, Ekhi. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils ne veulent pas s'éduquer dans la religion. Ils ne veulent pas passer de temps. Quelqu'un m'avait dit, j'ai pas envie d'apprendre du fiqh pendant 12 heures. Être assis en train d'apprendre du fiqh pendant 12 heures. C'est quoi? Il va sur YouTube, il regarde. Il ne connaît rien de l'islam. Ou soit il s'est converti et puis il rentre. Et après, on voit les dégâts qu'il y a aujourd'hui. On voit les dégâts qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'est qu'on en arrive, a'oudou billah, à ce genre de danger. Ce sont des gens qui salissent l'islam, frère. Des gens qui salissent l'islam, dû à quoi? Dû à leur ignorance. Ils refusent de s'éduquer. Chacun veut prendre un verset et le comprendre selon lui. Et c'est pas comme ça qu'on comprend l'islam. Barakallahu fikum. Le Coran et la sunna ne se comprend que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Qui c'est qui a reçu la révélation? Est-ce que c'est monsieur 2016 ou est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu la révélation. Les sahaba ne comprenaient pas. Ils revenaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur donnait la bonne explication. الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. Il y a une faiblesse dans le hadith, dans la chaîne de transmission, mais en fait, il y a d'autres hadiths qui sont tous dans le même sens et qui font que ça l'élève au degré de Hassan li ghayrihi. D'accord, dans la nomenclature du hadith, c'est-à-dire qu'il devient Hassan dû au fait que les autres narrations disent la même chose, qui sont authentiques, et donc ça l'élève au degré de Hassan li ghayrihi. D'accord. An Abi Umayyah al-Sha'bani, قال سألت أبا ثعلبة الخشني قلت يا أبا ثعلب ما تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال إني والله لقد سألت عنها خبيرها لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب لكل ذي رأي برأي فعليك يعني بنفسك Donc, ça c'est un exemple pour voir que est-ce que. Comment on peut comprendre le Coran et la Sunna? Regardez. Allah Azza wa Jal a révélé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô vous qui avez cru, vous êtes responsables de vos propres personnes. Les Sahaba, les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont cru que ce verset-là voudrait indiquer que. Eh bien, ils ne vont plus ordonner le bien ni interdire le mal. Parce qu'ils doivent se préoccuper de leur propre personne. Ils sont responsables de leur propre personne. Donc, ils sont partis voir, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir si c'était correct ou pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la correction à cela. Il leur a dit non. Mais ordonnez le bien et interdisez le mal. Pourquoi il leur a dit non, mais ordonnez le bien, interdisez le mal? Parce que ordonner le bien, interdire le mal, ça fait partie des attributs du croyant. Ça fait partie des attributs du croyant. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surah Al-Hajj, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ Allah supportera ceux qui supportent la cause d'Allah. Allah est puissant. Et sages. Qui sont-ils ? Il nous les décrit. الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتَوُوا الزَّكَاةِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Ceux qui font la prière, donnent la zakat qui est obligatoire, ordonnent le bien et interdisent le mal. Parce que celui qui n'ordonne pas le bien et n'interdit pas le mal, celui qui n'ordonne pas le bien et qui n'interdit pas le mal n'est pas sur la voie droite. Et ça, c'est la tradition de ceux qui les ont précédés. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ Ils ne s'interdisaient pas les mauvaises actions. D'accord ? Mais bien sûr, comme on dit, ordonner le bien, interdire le mal, il y a une sagesse dans ça. Il faut avoir du helm, il faut savoir les conditions, il faut savoir quand le dire et quand le faire. D'accord ? بَارَكَ Donc, ils lisent le Coran, ces gens-là, ces individus, ils lisent le Coran, mais ne dépassera pas leur gorge. قال النووي رحمه الله المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أدوب تعقله وتدبره لوقوعه في القلب. انتهى كلامه. النووي رحمه الله, كسي لابدي الإمام النووي, il a dit ce qui est voulu par ce hadith-là, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il récite le Coran mais il ne dépassera pas de leur gorge, il a dit, ce qui est voulu, d'accord, c'est qu'ils n'auront aucune part du Coran. Ils n'auront aucune part du Coran. Excepté le fait que ça reste à passer sur leur langue. Le fait de le dire. N'atteint même pas leur gorge et n'atteint pas du tout. S'il n'atteint même pas leur gorge, il n'atteindra pas leur cœur. D'accord ? Parce qu'il a dit, parce que ce qui est voulu lorsque quelqu'un lit le Coran, c'est quoi ? C'est de méditer dessus, réfléchir dessus, se remettre en question, comprendre le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis. D'accord ? Afin que cela ait un impact et puisse atteindre le cœur. Voilà, c'est ça, barakallahu fikum. Et c'est comme ça que l'individu, il se corrige notamment. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait insisté sur le fait de pas trop s'attacher à cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala inna dunya mal'ouna, mal'ouna ma fiha, illa dhikr Allah wa ma walahu, aw alimun aw muta'allimun. Cette vie est maudite. Cette vie, ce monde d'ici-bas, est maudit. Excepté le rappel d'Allah, ses alliés, ou un savant, ou quelqu'un qui est en train de s'éduquer. Ibn al-Qasim, rahimahullah, a dit, « Sami'atu Malik, yani l'imam Malik, il a entendu l'imam Malik dire, « Sami'atu Malik, yaqul, inna aqwaman, ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لحجازهم عن ذلك. L'imam Malik rahimahullah dit: Il y a des peuples qui se sont adonnés à l'adoration et ont délaissé le savoir, la science égyptienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste l'adoration. Et ils se sont écartés du savoir. D'accord ? Ils en sont arrivés à quoi par cette manière-là ? À sortir contre la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, yahi. Subhanallah. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens ont délaissé le ilm et prétendent qu'ils sont dans l'adoration. Qu'est-ce qu'ils en sont arrivés ? Ils en sont à se rebeller contre la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en les tuant. Il n'y a qu'à regarder dans le monde. Hein. C'est ça. Subhanallah. Pourquoi ? Parce que il dit, l'imam Malik, rahimahullah, s'ils avaient empoigné, ils s'étaient forcés à s'éduquer, à prendre la science, le savoir légiféré, eh bien ceux-là, cette science, les aurait empêchés de faire ce mal. Et la protection ? Lorsque il se passe une fitna, un trouble, qu'est-ce qui se déroule? Il y a des gens qui se mettent à tomber dans les équivoques. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas qui suivre. Et à chaque fois qu'il y a des fitnas, Allah Azza wa Jal éprouve la communauté avec cela. La fitna en arabe, c'est quoi? C'est le fait de faire brûler de l'or à une température très extrême. D'accord? Jusqu'à ce que les impuretés qui demeuraient dans cet or-là soient écartées de l'or pur. Durant les temps de trouble, ce qu'on appelle en arabe fitna, durant ces temps-là, Allah Azza wa Jal sépare les véridiques des hypocrites. Sépare les sincères de ceux qui ne le sont pas. Et donc c'est pour cela, barakallahu fikum, d'où l'importance de rechercher le savoir. Parce que rechercher le savoir et l'appliquer, d'accord, ça fait partie des efforts que l'individu se doit de faire. Forcer son âme à apprendre sa religion, connaître sa religion. D'accord ? Responsabilité. Un musulman, c'est quelqu'un qui est responsable. Il ne dit pas n'importe quoi. Mais il fait attention à ce qu'il dit. Il sait qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'islam. Donc il fait attention aussi à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Parce qu'on se doit de connaître afin de transmettre ce message-là aux gens. Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes et messagers. Le but d'envoi des prophètes et messagers, c'était pour inviter les gens à suivre la voie du paradis, pour le paradis. C'est pas une miséricorde, ça. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Anbiya au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Une miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ayyuhan nas, inni rahmatun muhda. Oh vous les gens, je suis une miséricorde offerte. Une miséricorde. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Les gens étudient d'autres gens et ils croient qu'ils font bien. Ils croient qu'ils sont intouchables, ils croient qu'ils font. C'est pour ça que vous voyez, et là vous voyez vraiment, les gens qui sont égarés et qu'il faut condamner et qu'il faut mettre en garde contre, qui font tous ces actes rebelles, ils veulent faire tuer des gens, etc. Ça ne fait pas partie de l'islam, ça, barakallahu fikum. Il faut le condamner. Le musulman, il se doit de le condamner. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là s'affilient à l'islam. Vous voyez pourquoi? Certains, par exemple, musulmans diront, non, moi, j'ai rien à dire, hein, je ne vais pas justifier parce que, de toute façon, ça ne fait pas partie de l'islam. Non, tu te dois de condamner ouvertement. Parce que le problème, c'est qu'ils vont te donner des ambiguïtés. Bah, il dit qu'il fait ça pour l'islam. Qu'est-ce qui va te différencier de lui? Tu dois condamner. Sur quoi ils se tiennent? Quelles sont leurs preuves? Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de savants. Ce sont juste des voleurs, des braqueurs, casiers judiciaires d'une tonne, c'est tout. D'accord? Hier, il était, je ne sais pas, en prison. D'accord? Dealer de drogue, voleur. Et tu les vois, tu vois leur action. Il va voler une moto pour tuer des gens, des gamins dans une école. Ah non, bah. Ça, l'islam. Dans un combat légiféré du temps du prophète Mohammed, légiféré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons de ne pas toucher aux femmes, de ne pas toucher aux enfants, de ne pas toucher aux arbres, les branches d'arbres. Hein? Vous voyez l'égarement de ces gens-là? Et eux, ils agissent avec traîtrise, avec lâcheté, à croire que le non-musulman, il va croire que la lâcheté et la traîtrise, ça fait partie de l'islam. A'oudou billah. Hein? Ils se mettent et puis ils se font truquer devant, au milieu de tout le monde, comme ça. Comme ça. T'as la question qu'on pose, c'est, subhanallah, billahi alaykum, je veux qu'ils répondent, ces gens-là, qui disent, qu'est-ce que, c'est quoi dans ta tête? Souhaiterais-tu qu'Allah guide ces gens-là, oui ou non? Ces gens-là, ils ne sont pas intéressés par est-ce qu'ils souhaitent être guidés ou pas. C'est juste eux, ils sont habitués par le crime, c'est tout. Ils veulent tuer, faire des meurtres, c'est tout, c'est ça qui les intéresse. Hein? Montée d'adrénaline, c'est tout. Subhanallah, n'importe qui, on leur souhaite qu'Allah les guide. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti à Taïf. Et que ces gens-là se sont mal comportés avec lui. Et Jibril, alayhi salam, était descendu, l'ange Gabriel, et lui avait dit, si tu veux, t'invoques Allah azza wa jal, yani, et je ferai, et je pulvériserai ce peuple-là entre les deux montagnes. Subhanallah, qu'est-ce qu'il avait répondu? Il avait dit, je souhaite qu'Allah Azza wa Jal fasse que de leur descendance, il y aura des gens qui rentrent dans l'islam. Barakallahu fikum. Vous voyez pourquoi le ilm, c'est important, le savoir, c'est important. Parce qu'on ne se tient pas, l'islam, ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des histoires, d'accord? Donc ces gens-là qui viennent avec leurs preuves, qui montrent qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. La ilaha illallah, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne sait même pas prier. Il ne sait même pas ce qui est obligatoire et surérogatoire dans la prière. Tu vois? Subhanallah. Il suffit de voir. Subhanallah. Wa la hawla la quwwata illa billah. Donc ça, c'est l'importance du savoir. L'importance du savoir. Parce que, comme vous vous rappelez, tous, dans la tombe, on sera questionné sur la croyance. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Madinuk, quelle est ta religion? Man Nabiyuk, qui est ton prophète? Et comment l'as-tu su? Subhanallah. Et vous voyez, le fait de dire « La ilaha illallah » avant de mourir, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas on croit juste, ouais, c'est juste on dit « La ilaha illallah ». Subhanallah. « Inna allaha yuthabbitu alladhina amanu bil qawl al-thabit fil hayati al-dunya wal-akhira » Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction au sens du verset, « Il raffermit la parole de ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. » Si tu es sincère envers Allah Azza wa Jal, si tu as cherché le ilm correct, tu faisais tout que pour Allah, pas pour que les gens disent de toi ou quoi que ce soit. Hein? Lorsque tu fais cela pour Allah, en essayant de te corriger, en reconnaissant tes faiblesses, en reconnaissant tes manquements envers Allah Azza wa Jal, tu les reconnais. Vous connaissez tous le doigt, l'invocation, Allahumma anta rabbi. Oh Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha illa anta. Nulle divinité digne d'adoration en toute vérité, excepté toi. Khalaqtani wa ana abduka. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Et moi, dans ce que tu nous as ordonné, ce que tu as promis, je fais mon possible. Abou bi ni'matika alayya. Je reconnais tes bienfaits que tu donnes, tu me donnes. Wa abou bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunubi illa anta. Et je reconnais mes péchés. Je reconnais les biens que tu me donnes. Et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi. Nul ne pardonne les péchés excepté Allah. Vous voyez, le musulman, c'est quelqu'un qui se remet constamment en question. Constamment en question. C'est-à-dire, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait, moi? La journée, elle est passée. J'ai fait quoi qui me peut être bénéfique le jour de la résurrection? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des choses très simples. Vous savez, parfois, on passe une heure, on ne fait rien. Subhanallah. Lors de l'Isra wal Mi'raj, lors de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a rencontré les différents prophètes, et il avait rencontré Ibrahim alayhi salam, qui lui a dit, ya Mohammed, aqrid li ummatika salam, passe le salam à ta, ô Mohammed, passe le salam à ta communauté. Wa'alimhum anna al-jannata qi'an, jam'u qa'a, que le paradis a deux sols. C'est, parce que qa'a en arabe, yani le sol, qi'an pour deux. Waghirasuha, et ses plantations, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ses racines, c'est dire subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. À chaque fois que tu dis subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, un palmier était planté pour toi au paradis. L'imam Ibn Jawzi, rahimahullah, en commentant ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, subhanallah, ma adana min al-nakhl. Subhanallah, combien de palmiers nous avons ratés. Il suffit juste de dire subhanallah, c'est pas difficile. Hein? Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Par exemple, tu conduis, au lieu de réfléchir à ci, ça, ça, arrête de trop te prendre la tête. Tu te dis qu'il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'a décrété. Toi, tu fais les causes, il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'a décrété. Utilise ce temps-là dans le dhikr. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ou bien tu fais l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. En espérant qu'Allah te pardonne. Tu vois? Avec l'eau vive. Donc on se rappelle de ces questions-là dans la tombe. Le croyant, il dira, mon Seigneur, c'est Allah. Qui est ton Seigneur? Mon Seigneur, c'est Allah. Quelle est ta religion? Ma religion, c'est l'islam. Quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Il répondra, c'est le serviteur, prophète, messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Comment l'as-tu su? La réponse, j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai adhéré. Subhanallah. Qu'en est-il de ceux qui ne lisent pas le livre d'Allah? Et qu'en est-il de ceux qui n'adhèrent pas à la parole d'Allah Azza wa Jal? Yani, c'est pas juste musulman, et c'est bon, je suis musulman. C'est pas ça, musulman, t'as juste, je suis musulman. N'importe qui, il peut dire ce qu'il veut. D'accord? N'importe qui, il peut dire ce qu'il veut. Mais ce qu'il y a, c'est que barakallahu fikum, l'individu, il doit travailler, son âme. Vous savez que nafs, il y a différents types de nufus. Comme on, aussi, on a l'occasion, inch'Allah, de refaire ce cours-là, inch'Allah. Yani, il y en a différents. Dont l'une, c'est al-nafs al-ammaratu bis-su', l'âme qui pousse l'individu à faire les mauvaises choses. Celle-là, il faut lutter contre cette âme-là afin de se forcer à s'éduquer, afin de se corriger. Hein? Et ce travail-là, ya akhi, barakallahu fikum, ce n'est pas juste sur une question de 2 semaines, ou bien 1 mois, ou bien 1 an. Hein? C'est toute une vie. Parmi les pieux prédécesseurs, il y en avait un qui avait dit, vous voyez par exemple, Qiyam al-Layl, se lever durant la nuit, hein, c'est pas donné à tout le monde. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé que celui qui se lève la nuit et qui récite 10 versets, Allah, seulement 10 versets, minimum 10 versets, sera épargné, hein, de la rafla. Il ne sera pas compté parmi le rafiloun, ceux qui yirflou. Ceux qui, tu vois, ils sont à rafla, c'est-à-dire, comment on vient un peu, non, l'insouciance, barakallahu fik. Il sera épargné de l'insouciance. Oui. L'insouciance, c'est quoi? Là, tu conduis et tu ne fais pas un seul dhikr. Insouciance, subhanallah. Hein? Où il se passe quelque chose, tu ne te rappelleras pas de cette preuve-là ou quoi que ce soit. Tu ne sauras pas comment faire. Tu seras bloqué, subhanallah. Eh bien, cet homme pieux, subhanallah, il disait quoi? Parmi les pieux prédécesseurs, il disait: je me suis efforcé pendant 20 ans à me lever la nuit. Efforcé pendant 20 ans à me lever la nuit. Et ce n'est qu'après 20 ans que j'ai commencé à goûter à la saveur du Qiyam al-Layl. On est loin, hein? Vous voyez comment? Comment l'islam réforme un individu? Comment c'est quelqu'un qui devient quelqu'un de bon, de bien, de correct? Comme on disait la dernière fois dans le Clofic, les non-musulmans, s'ils sont en présence de musulmans, normalement, si les musulmans appliquent leur religion, ils doivent se sentir en sécurité. Ils doivent se sentir vraiment à l'aise. Vous voyez? Parce qu'il y a tout un travail écrit de chaque personne, chaque individu. Allah Azza wa Jal dit dans surat al-Ra'd: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il se change de par lui-même. Les gens, ils veulent pas se changer. Ils veulent rester corrompus, ils veulent rester des menteurs, des voleurs, ceux qui sont dans la corruption. Et ils veulent quoi? Ils veulent un changement. Subhanallah. Il faut se réformer. Il faut craindre Allah Azza wa Jal, revenir vers Allah Azza wa Jal. Et se rappeler que de toute façon, personne ne peut échapper à cela. La foi, elle augmente et diminue. Comme Allah Azza wa Jal dit, liyazdad alladhina amanu imanan. Que ceux qui croient augmentent en foi. La foi, elle augmente et diminue. Elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Mais lorsque l'individu, il sent que sa foi, elle est basse, il s'agrippe aux obligatoires, à ce qui est obligatoire. Et il demande l'aide d'Allah. Il se rappelle de demander « Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik. » Oh Allah, aide-moi à ce que je me rappelle de toi. Je fais le dhikr, hein, et que je te remercie et que je t'adore comme tu le veut, de façon correcte. Allah. Il demande, et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'efforce à lire le Coran. Parce que le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait insisté sur la lecture du Coran et le rappel de la mort. En lien avec ce que je disais tout à l'heure, que ce bas monde est maudit. Tu n'attaches pas trop, tu vas rien ramener avec toi. Que tes actions. Tout ce que tu peux ramener avec toi en ta tombe, fais, agis. Mais construire des palaces, construire ceci, etc. Tu ne vas rien ramener. Avoir des problèmes avec les gens, des différents. Pourquoi? Pour 3 mètres de terre. On a au bled, par exemple. Subhanallah. Un athlète à Midro, il va te faire une mouchkla. Parfois, les gens, des familles qui se divisent pour 3 mètres de terre. Subhanallah. Au bout du compte, qu'est-ce qui reste? Rien, parce qu'ils sont sous terre. Avec ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé leur lien de parenté parmi les péchés majeurs. Hmm? Tout ça pourquoi? Pour une maison, ou pour je ne sais pas quoi, ou pour un truc de terre. Subhanallah. Allahumma adina ajma'in. Cette vie-là, l'individu doit se rappeler que c'est une vie de test. D'accord ? C'est une vie de test. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Shura, verset 36. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ce qu'Allah Azza wa Jal vous a donné, ce que vous avez reçu, d'accord ? C'est juste ce que vous avez reçu en termes de bien, d'accord ? Cette vie d'ici-bas là, c'est une jouissance de cette vie de ce monde d'ici-bas. On disait Donia, hein. C'est pas un nom correct à donner à une fille, ça. Il y en a, ils appellent leur fille Donia, subhanallah. Donia, c'est ce qui est bas, qui ne vaut rien. D'accord ? Bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comparer cette Donia-là à une gifa. Comme si c'est un animal qui est tué, yani à 100, pas selon le rite islamique, ça veut dire qu'il a été juste tué comme ça. Subhanallah. Ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il n'y a que ces chiens qui courront après cette gifa. Comment on pourrait dire ? Traduction de gifa. Une bête morte qui n'a pas été tuée selon le rite islamique. Cette dunya-là, c'est comme ça. Et il n'y a que ces chiens qui courront après. Subhanallah. Ouais. Et Allah Azza wa Jal dit, et il nous donne les solutions. Dans Surat Ali Imran, verset 185. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. Déjà tu lis avec compréhension, c'est pas كل نفس ذائقة الموت et puis comme ça en cœur ou je sais pas quoi. Subhanallah, écrit, tu médites كل نفس ذائقة الموت, tout âme goûtera la mort. Réalité, personne ne peut fuir d'Allah, tout âme goûtera à la mort. كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tout âme goûtera à la mort et chacun sera rétribué de par ses actions le jour de la résurrection. Qui donc a pu éviter le feu et rentrer au paradis fait partie de ceux qui ont le succès. Et ce monde d'ici-bas n'est que une illusion temporaire. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit encore, pour patienter, la tubla'unna fi amwalikum wa anfusikum. La suite du verset. La tubla'unna fi amwalikum wa anfusikum. Vous serez testés sur vos biens et vos personnes. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. Et vous entendrez de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous et de la part de ceux qui associent des choses à Allah, Azza wa Jal, vous entendrez de tous ces gens-là de mauvaises choses. Ils vont vous insulter, ils vont vous dénigrer, ils vont vous rabaisser. Allez, mauvaises choses. D'accord ? Quelle est la solution ? Hein ? Allah Azza wa Jalla dit, le verset se termine comme ça, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Subhanallah. Mais si vous patientez et craignez Allah Azza wa Jalla comme il se doit, c'est la meilleure résolution à prendre. Ouais. C'est pas sortir manifester ou faire les crimes, les meurtres, les quoi que ce soit. أَعُوذُ بِاللَّهِ. Ce n'est pas ça les enseignements de l'islam, écrit. Patience, crainte pieuse. Patience, crainte pieuse. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il priait à la Mecque. Et les mouchriquins, les kuffars, les mécréants, les polythéistes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils venaient et puis ils lui versaient sur lui les boyaux d'animaux pendant qu'il priait. Ils disaient aux gens, ils allaient voir les petits, ils leur disaient « jetez-lui des pierres ». Pour le faire passer pour un fou et un simple. Hein? Et ce qu'a subi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le comparer avec nous. Hein? C'est incomparable. C'est pas facile. Hein? Tu es rejeté par ton peuple. Ils veulent te tuer. Ils te courent après. Ils font tout pour empêcher ta da'wah. Subhanallah. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a patienté. 13 ans, et Eri, 13 ans. 13 ans à la Mecque, en train d'inviter ses compagnons à la aqida et au tawhid, à la croyance pure, authentique et au pur monothéisme. Jusqu'à ce que les gens sont venus voir Ali radiallahu anhu et lui ont dit, comment se fait-il que lorsqu'un verset est révélé par Allah Azza wa Jal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous l'appliquez direct? Quelle fut la réponse? Parce que pendant toutes ces 13 années-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués sur la croyance authentique, correcte, le pur monothéisme. Et aujourd'hui, Allah Azza wa Jal dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Ma sœur, Allah Azza wa Jalla dit ça, le professeur Hassan dit ça. Je ne suis pas convaincu. Subhanallah. On l'entend, hein, ça. Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas... Vous voyez le problème, c'est quoi? Et donc là, on comprend en fait que les gens, là, ils ne doivent pas être éduqués en commençant à en dire... On peut passer toute notre vie en disant « Vous devez être gentil avec votre voisin et tout. Hein. » Ça ne va rien changer. Quelqu'un de corrompu, il restera corrompu toute sa vie, excepté si Allah Azza wa Jalla a miséricorde sur lui. On a beau lui dire, sois gentil, sois gentil. Il y a des kofas, des mécréants, qui ont des très bons comportements. Très bons comportements, exemplaires. Ils ne mentent pas, ils ne volent pas, ils sont à l'heure, ils ne te volent pas tes droits. Tout est correct. Hein. Mais est-ce que pour autant ils sont sur la vérité? Non. D'accord? On respecte ces attributs-là, qui sont les attributs du musulman, que le musulman doit avoir comme attribut. D'accord? Mais, barakallahu fikum, on comprend très bien que les musulmans doivent être éduqués sur la croyance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la da'wah, c'est comme ça qu'il faut faire. Regardez, Ali radhiyallahu anhu, il a dit, on a été éduqués sur ça. C'est-à-dire qu'ils avaient constamment conscience qu'Allah les observe constamment, qu'ils devront rendre des comptes, que personne ne peut fuir d'Allah azza wa jal, qu'ils vont tous mourir. Que si tu fais quelque chose de bien, comme Allah Azza wa Jal le veut, tu seras récompensé. Allah. Tu aimes Allah et tu le crains. Tu souhaites sa miséricorde et tu crains son châtiment. Comme ça, tu corriges la communauté. Barakallahu fikum. Et c'est par là qu'il faut commencer. Normalement, tout prédicateur doit passer par là. Il doit commencer par là. Il doit commencer par là. Parce que si l'individu il corrige sa relation avec Allah, Azza wa Jal, c'est sa relation avec le monde qui l'entoure qui sera meilleure. Ça, c'est une vérité. Barakallahu fikum. Et il faut également méditer sur la création. Il faut également méditer sur la création d'Allah, Azza wa Jal. Parce que lorsque vous lisez le Coran et vous méditez, par exemple, vous rentrez dans la mosquée, d'accord ? Les ulama ont clairement dit que l'individu qui fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celui qui fait les meilleures ablutions, correct, puis vient à la mosquée, prie deux rak'at et s'assoit en attendant la prière, d'accord ? Pendant tout ce temps-là qu'il est en train d'attendre la prière, les anges demandent à Allah azza wa jal de lui pardonner, de lui donner le succès, de lui pardonner ses péchés. Ma lam yuhdith, ça veut dire quoi ? Barakallahu fikum. C'est, bien sûr, tant qu'il garde ses ablutions, mais c'est tant qu'il ne nuit pas aux musulmans qui sont aussi dans la mosquée. Et il y en a plein, hein. Ils mettent une croix sur ça, là. Ils ne veulent pas reconnaître ça. Subhanallah. Ils croient que même la meilleure d'autres, c'est juste tant qu'il ne perd pas ses ablutions. Tant que tu ne nuis pas à l'autre musulman. C'est-à-dire que tu es là, tu es en train de... Parce que tu en as, ils ne disent rien, juste ils sont en train de méditer sur la création d'Allah. Ça, c'est une ibad, c'est un acte d'adoration. Faut pas qu'il dérange. T'en as, ils lisent le Coran. D'accord ? Pour eux. À voix basse, comme ça. T'en as, il est en train de faire de la karat. Donc si tu viens et tu commences à lire le Coran à voix haute, tu pêches. Subhanallah. C'est un péché. Ça, c'est un individu qui lit le Coran à voix haute. Moi, je parle pas de ceux qui se réunissent pour lire le Coran, hein, ensemble. D'accord ? Subhanallah. L'imam Malik rahimahullah avait dit, vous voyez le hadith dans Sahih Muslim, barakallahu fikum, lorsque des gens se réunissent pour Étudier le livre d'Allah. Étudier le livre d'Allah. Subhanallah. L'imam Malik, rahimahullah, avait commenté en disant cela ne signifie pas, tous ceux, yani, peuvent, n'importe qui peut retourner à la parole de l'imam Malik, rahimahullah, qui est un très grand savant de la sunna. Il aimait la sunna et il détestait l'innovation religieuse. L'imam Malik, rahimahullah. Il disait, il est strictement interdit de faire le dhikr en groupe et de le lire en groupe, le Coran. C'est vrai, hein? Qu'est-ce qui empêchait le prophète Hassan de le faire? Rien. Il pouvait dire à ses sahaba, venez, on fait ça. Rien. Donc, il y en a, ils vont faire ça. Il y a des mosquées qui faisaient ça. Et ils empêchaient même qu'il y a des cours qui se déroulent. Quelqu'un, il faisait un cours et puis il lisait comme ça entre eux et tout ça. Et donc, il y en a d'autres qui veulent faire du dhikr, l'autre qui veut faire la prière, l'autre, il est dans, et là, tu pêches. Vous voyez, subhanallah. Donc, méditer sur la création d'Allah lorsque tu lis le Coran, Allah Azza wa Jal dit, regardez, il suffit juste de regarder dehors les nuages. Allahu Akbar. Les nuages. C'est quoi les nuages? C'est de l'eau en suspension dans les cieux. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit, dans Surat Al-Hijr, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. الله أكبر. Allah. Allah Azza wa Jal a envoyé les vents en faisant ainsi circuler les nuages. De ces nuages-là tombe la pluie et vous ne pourrez pas. Le Coran a été révélé il y a plus de 14 siècles, barakallahu fikum. Et vous ne pourrez pas contenir cette eau-là comme Allah Azza wa Jal la contient dans les cieux. Qui c'est qui peut contenir de l'eau en suspension comme ça? L'eau. Je parle pas de... Alors, tu vas prendre une casserole, tu vas mettre de l'eau, tu vas la faire chauffer. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Elle sera plus en phase liquide, barakallahu fik. Elle sera en phase gazeuse. Si tu veux l'attraper, celle-là, il va falloir que tu mettes un sac en plastique. Mais elle va se recondenser. Elle va redevenir des gouttes. Tu ne peux pas la maintenant. Ils sont au défi, tous les scientifiques de toute la planète, même de la planète Mars, il y en a, qu'ils essaient de prouver ça. Ils essaient de faire comme ça, ils n'y arriveront pas. Vous voyez les signes? Allah Azza wa Jal te montre des signes pour que tu médites. Tu n'aies pas de doute sur cela. Subhanallah. Barakallahu fikum. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? On dit la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Les ulama ont dit Ar-Rabb huwa al-ma'bud. Le Seigneur, c'est celui qui est adoré. D'accord? والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindrez-vous la piété. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Sourate al-Baqara. C'est lui, yani Allah, qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi. Donc toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait pousser toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui donnez donc pas d'ego alors que vous savez. Vous savez quoi? Vous savez que c'est lui qui a créé ça. Vous le savez que c'est lui qui a créé cela. D'accord? L'imam Al-Kathir rahimahullah a dit: Al-Khaliq li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibadah. Celui qui a créé ces choses est le seul digne d'adoration. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trompé par certains prédicateurs qui viennent et qui vous disent « La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. » Ça ne veut rien dire ça. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il faut qu'on comprenne « La ilaha illallah, ça veut dire quoi ?» « Al-ilah » c'est quoi ?« Alaha » c'est un synonyme de « abada ».« Al-ilah huwa al-ma'boud ». D'accord ? « Al-ilah huwa al-ma'boud » c'est celui qui est adoré. Ilah, c'est la divinité. C'est ce qui est adoré. D'accord? Il n'est pas correct ceux qui disent « Le mawjoud » illallah, ou bien la ma'boud illallah. C'est faux de dire ça. La ma'boud illallah. Nul n'est adoré excepté Allah. C'est faux de dire ça. Pourquoi c'est faux de dire nul n'est adoré excepté Allah? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Les gens, ils adorent les vaches en Inde. Alors, une vache traverse la route, mais elle reste sur la route. Personne ne peut descendre, personne, selon eux, selon leur religion d'hindou, ça, ils ne peuvent pas descendre de la voiture et puis pousser la vache. C'est interdit! Parce qu'ils ont peur qu'elle vienne, elle leur fait je sais pas quoi, la malédiction dans leur maison et tout, je sais pas quoi. Sauf si elle leur fonce dans leur maison en bois, peut-être, mais. Subhanallah. Donc, ce qu'il y a, c'est que. Ils ont une crainte, ils craignent en fait cette vache, hein, comme ils devraient craindre Allah. Ils adorent les rats. Les rats, ils sont infestés par la peste. Il y a des vidéos. Hein. Ils sont infestés par la peste. Ils ne veulent pas les tuer. Ces rats-là. Parce que pour eux, c'est leur divinité. D'accord ? Subhanallah. Les gens, ils adorent les prophètes. Isa, alayhi salam, Jésus. Ils adorent. Certains disent, les jacobites, les nestoriens. Ils disent, certains disent c'est le fils de Dieu. D'autres ils disent que c'est Dieu. Astaghfirullah. D'autres adorent la croix. D'autres adorent les statues, Bouddha, ça. Donc c'est faux de dire nul n'est adoré excepté Allah. C'est pas correct. Parce que il veut dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah. C'est faux. Non, d'autres choses sont adorées, on le voit. Al-ilah huwa al-ma'bud. D'accord ? Le terme Allah, donc ilah, ça veut dire divinité, c'est ce qui est adoré. D'accord ? Le terme Allah, comme le Cheikh Mohammed ibn Jami rahimahullah avait mentionné, dans l'explication Sharh Qurrat Ayun al-Muwahhidin, si on arrive un jour à le faire, Inch'Allah, ce serait bien. Le terme Allah ne se dit que pour désigner l'unique créateur des cieux et de la terre. Il n'est désigné que pour désigner, il ne se dit que pour désigner l'unique créateur des cieux et de la terre. Allah, le seul qui mérite d'être adoré en toute vérité. D'accord ? Tandis que le terme ilah يطلق هذا اللفظ على المعبود بحق والمعبود بغير حق. On dit ilah pour ce qui est adoré en toute vérité et yani Allah et pour ce qui est adoré mais avec fausseté. D'accord ? Vous vous en souvenez de la parole de l'imam Al-Kathir rahimahullah ? Celui qui a créé tout cela, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est Allah Azza wa Jalla qui t'a créé, ne vaut pas l'adoration autre qu'Allah. On se regarde, on respire, le sang coule dans nos veines, on bouge, on fait les neurones dans nos têtes, les neurotransmetteurs, tout fonctionne. Masha'Allah, vous êtes en bonne santé. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Et si vous comptez tous les biens qu'Allah vous a donnés, vous n'arriverez pas à les énumérer. Et l'individu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller, comme on a fait le bled, Mshik Sidi Ibn Aïssa, Sidi Mehal, Sidi, je ne sais pas quoi. Et puis Mshik, Najah ni Benti. On a par exemple au bled, ils vont aller voir quelqu'un qui dit que c'est un wali. Et même si c'est un wali, il ne demande jamais, il n'a jamais demandé de venir de l'adorer. Allah Azza wa Jalla dit dans surat al-Jin, قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِي أَحَدًا. Dis, j'invoque Allah et je ne lui associe rien. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a fait que l'invocation, c'est l'adoration. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ad-du'a huwa al-ibad. L'invocation, c'est l'adoration. Tu invoques autre qu'Allah, tu lui associes à Allah. Ça, c'est du polythéisme, qu'on appelle le shirk, polythéisme majeur. Ça annule l'islam de l'individu. Celui qui invoque autre qu'Allah, ou qui craint que cet individu qui est mort, je me souviens, il y avait une cousine qui me disait... « Oh, je suis malade ce matin parce que je ne suis pas parti visiter Sidi Abdel Qadr. Je l'ai vu sur un cheval blanc, il est venu. Et donc, parce que je ne suis pas parti le voir, donc je suis malade. » Subhanallah. Il sait croire en fait, avoir une crainte, penser que quelqu'un qui est mort peut avoir un impact dans ta vie. D'accord ? On ne dit pas de mal sur ça, parce que sinon il risque de te faire ça ou de te ramener un malheur sur ta maison ou quoi que ce soit. Tu vois ? « Yarchaouna nas ka khashyatillahi awashad khashya » comme Allah Azza wa Jalla dit dans le surat Nisa, ils craignent les gens, hein, comme ils devraient craindre Allah, ou même parfois plus. Pire même. Subhanallah. Donc, Al-Ilah, comme on avait dit, il se dit, donc Allah ne se dit que pour Allah, celui qui a tout créé, le seul créateur. Tandis que Al-Ilah, lorsqu'on dit Ilah, c'est le ma'bud, c'est ce qui est adoré, il se dit pour ce qui est adoré avec vérité, c'est-à-dire Allah Azzawajal, et ce qui est adoré avec fausseté, on l'utilise dans les deux cas. D'accord ? Ce qui est adoré avec vérité, ce qui est adoré avec fausseté. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tel que les arbres, les pierres, les statues, les animaux, les djinns, les anges, les prophètes. Tutlaqu alayha aliha. Nous disons que ce sont des divinités. Nous l'affirmons, nous disons oui, ce sont des divinités parce que les gens l'adorent. Mais qu'est-ce qu'on doit rajouter ? Lakin aliha bil batil. Mais ce sont de fausses divinités. Pourquoi ce sont des fausses divinités ? Ce sont des créatures, elles ont été créées par Allah Azza wa Jal, elles n'ont pas le pouvoir de créer, elles ne peuvent pas se protéger. Dès que j'étais en Écosse, je parlais avec un hindou et je lui disais, qui c'est que vous adorez exactement là ? Qu'est-ce que vous adorez ? J'essaie de comprendre. Il m'a dit, on adore à peu près une centaine de statues. Je lui ai dit, donc si je pousse la statue, elle tombe, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va se casser. Il s'est mis à rire. Subhanallah. Je lui ai dit, tu adores quelque chose qui ne peut pas se défendre ? Qui a été créé par l'humain. Allah Azza wa Jal qui t'a donné ton système nerveux, ton cerveau, ton corps avec lequel tu parles, tu manges. Subhanallah. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il t'a donné ça et tu ne le remercies même pas ou tu ne l'adores même pas. Subhanallah. Donc on dit que ce sont des fausses divinités. D'accord ? On dit que oui, ce sont des divinités, mais on dit que ce sont des fausses divinités. Elles ne méritent pas l'adoration parce que ce sont des créatures. D'accord ? Elles ne peuvent pas créer. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa'un kana al-ma'bud salihan aw talihan. Que ce qui est adoré soit quelqu'un de pieux ou quelqu'un de mauvais. D'accord ? Quelqu'un de pieux ou quelqu'un de mauvais. Et ceci, l'adoration des anges. Donc on dit que ce qui est adoré soit quelqu'un de pieux ou quelqu'un de mauvais. D'accord ? On dit que ce sont des divinités, mais de fausses divinités. Les adorations qui leur sont vouées sont nulles, sont fausses. Ils ne méritent pas l'adoration. D'accord ? L'adoration des anges, des prophètes, des gens pieux, l'adoration qui leur est vouée est fausse et nulle. Même s'ils adorent les prophètes et les hommes pieux et tout ça, elle est fausse et elle est nulle. Tout le Coran, c'est sur le pur monothéisme d'Allah. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah avait dit, tout le Coran mentionne sur le pur monothéisme. Soit Allah Azza wa Jal ordonne clairement, il y a plusieurs passages encore, plusieurs, qu'on l'adore ou qu'on lui voue exclusivement le culte, qu'on adore qu'Allah Azza wa Jal seul. Ou soit Allah Azza wa Jal informe sur les gens du paradis parce qu'ils ont voué leur adoration qu'à Allah Azza wa Jal seul. Et les gens de l'enfer parce qu'ils ont associé quelque chose à Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Tout le Coran est sur le pur monothéisme. Donc l'adoration des anges, des prophètes, des gens pieux, l'adoration qui leur est vouée est fausse et nulle. Ibadatuhum batila. Yutlaqu alayhim aliha wa hum yatabarra'una min alladhina 'abadahum in kanu salihin. Donc on dit que ce sont des divinités lorsque les gens adorent les prophètes, les anges, d'accord ? Les hommes pieux. On dit que ce sont des divinités, d'accord ? Mais on dit que ces prophètes, anges, hommes pieux, se désavouent de l'adoration qui leur est vouée. Se désavouent. D'accord ? Ils n'ont jamais demandé ça. Et c'est interdit. Donc, on dit que l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah est injuste, fausse. Ils ne méritent pas d'être adorés. Et le jour de la résurrection, s'ils étaient pieux, les gens qui sont adorés, d'accord. S'ils étaient pieux, ils se désavoueront de ceux qui les ont adorés. وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ طَوَاغِيتٌ لِأَنَّ النَّاسَ الَّذِينَ عَبَدَهُمْ جَاوَزُوا حَدَّهُمْ لَا بِهِمْ لَكِنْ بِتَزْيِينَ الشَّيْطَانِ. Et on ne dit pas que ce sont des tawarites. Tawarit, c'est comme on pourra le voir inchallah plus tard. C'est par exemple quelqu'un qui va dire « Adorez-moi ». D'accord ? Par exemple, « Barakallahu fik » Par exemple, « Pharaon ». Il dit, Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur, par exemple, dire. Subhanallah. Donc, par exemple, ça, c'est un tawhid, d'accord ? C'est l'individu. Mais bien sûr, il y a d'autres catégories dans cela. Notamment, je dis, notamment celui qui dit aux gens de l'adorer, d'accord ? Mais s'il, et ça, c'est le diable qui leur embellit cette adoration-là, d'accord ? Mais s'ils étaient des hommes pieux, ceux qui sont adorés, d'accord ? On ne dit pas qu'ils font partie, donc, des tawharit. D'accord ? هذه الآلهة لنعلم وإن اختلفت الأسماء في وقتنا هذا لكن في اللغة العربية كل ما عبد ودعي واستغيث به وذبح له ونذر له فهو إله. Donc dans notre temps, d'accord, peu importe les noms que les gens leur donnent à ceux qui sont en train d'adorer, tout, par exemple, tout ce que les gens, ils ont, par exemple, sacrifié un animal pour telle personne ou telle statue ou tel truc, d'accord ? Tout pour qui il a été ça. Ou bien il croit qu'il pourra intercéder pour lui, d'accord ? Et donc il va demander l'intercession à lui. Hein ? Certains ont même dans leur livre, ils écrivent, ils disent, va à Médine et va à la tombe du professeur Hassan et va dire, oh messager d'Allah, je te demande l'intercession. Ça, ça annule l'islam de l'individu. Il y a le danger, frère. C'est pas vouloir faire, on croit qu'on fait bien et puis c'est pas grave. Notre intention, elle est bonne. Comme je parlais avec le frère tout à l'heure, Braklofi. Mon intention, c'est de venir à la mosquée de Saint-Lô. Mais je prends la route de Paris. Je vais jamais arriver à la mosquée de Saint-Lô, je vais arriver à Paris. Donc mon intention, elle est bonne. Mais je prends pas la voie correcte. D'accord ? Abdallah ibn Nasr, radiallahu anhu, avait dit « Kam yurid al-khayr la yusibu » Combien veulent le bien mais ne l'atteignent pas. Ils veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Il avait trouvé des gens en train de faire des écoles en groupe dans la mosquée. Il leur avait dit, malheur à vous, les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore là. Ouais, loukoum. Les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore là, sa vaisselle est encore là. Et vous commencez à inventer dans la religion d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, oh Abba Abdurrahman, c'est la kunya de Abdallah ibn Mas'ud, oh Abba Abdurrahman, nous ne voulons que le bien. Il a dit, combien veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Soit, ensuite il leur a dit, soit vous êtes sur une guidée mieux que la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou soit vous ouvrez une porte de l'égarement, l'un des deux. Soit tu es mieux guidé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire quelque chose que lui n'a pas fait, ou soit tu ouvres une porte de l'égarement. Donc à toi de choisir, subhanallah. Vous voyez ? Et donc c'est tout ce qui a été sacrifié pour telle chose, ou tout ce que l'individu il demande d'intercession à ce mort-là par exemple, d'accord ? Tout ça, ça rentre dans le terme de divinité. Mais on dit que ce sont des fausses. Donc pour clarifier, Inch'Allah, résumé, la ilah, nulle divinité, digne d'adoration, en toute vérité. La ilah Allah, c'est la ma'boud abi haq ilallah. Donc on dit qu'il y a certes d'autres divinités que les gens adorent, des statues, des... On dit que ce sont des divinités, car les gens les adorent, les invoquent, les craignent. Ce sont des divinités. Mais nous disons que ce sont des fausses divinités, car elles ne méritent pas l'adoration. Pourquoi ? Car ce sont des créatures. Et elles ne peuvent rien créer. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Allah. Seul lui mérite toute l'adoration. Seul. Ça c'est la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maftahul janna la ilaha illallah ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maftahul janna salat » aussi. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, etc. Vous savez que chaque clé a des dents. D'accord ? On disait la dernière fois, barakallahu fikou. Si j'ai la clé de mon appartement, est-ce que je peux ouvrir la porte de la mosquée ? Pensez non. Il y a des dents. Il y a des conditions. D'accord ? Et les conditions de la ilaha illallah, elles sont au nombre de 7. Certains ulama rajoutent 8. Al-alm ou al-yaqin. La science. La certitude, ou le kaboul, l'acceptance, ou l'inqiyad, fadri ma aqoul, la soumission et l'acceptance à ce que implique la ilaha illallah, ou l'ikhlas, la sincérité, ou le sidq, la véracité, ou le mahabba, ou le faqaq Allah li ma ahabba, et l'amour pour la ilaha illallah, d'accord, et Allah azza wa jal, yani, te raffermit sur cela. Et bien sûr, Ils ont rajouté, certains ulama, huitième condition, c'est « al-kufr bittaghut » par ce qui est adoré en dehors d'Allah. Mais croire en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ça, c'est « la ilaha illallah ». Allah Azza wa Jal dit, par exemple, « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ لَنْفِصَامَ لَهَا » Celui qui mécroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et croit en Allah, celui a, s'est accroché à l'anse absolue. Donc ça, c'est « la ilaha illallah ». La ilaha, c'est la négation. Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité. On renie. C'est la négation, cette partie-là. En deux parties, la ilaha Allah. La ilaha et illallah. D'accord ? La première, la négation. On renie toute adoration, toute forme d'adoration pour autre qu'Allah. On se désavoue de cela. Et la deuxième partie, illallah, seul Allah, qui mérite l'adoration en toute vérité. Ça, c'est l'affirmation. On l'affirme. C'est ce que vous avez donc dans. Celui qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ça c'est la ilaha illallah aussi. Il mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est la négation. On se désavoue de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Wa yu'min billah, et croit en Allah, ça c'est illallah. Aussi, lorsque vous lisez dans le Coran, Ya qawm abudullah, ma lakum min ilahin ghayr. Ô mon peuple, en surat al-A'raf notamment, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à adorer excepté lui. Ô mon peuple, adorez Allah, ça c'est la partie de l'affirmation. Vous n'avez pas d'autre divinité à adorer excepté lui, ça c'est la négation. D'accord ? Donc, on doit se désavouer et affirmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans Sahih Muslim, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, « Man qala la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabu ala Allah. » Celui qui témoigne que nulle divinité ne mérite adoration en toute vérité excepté Allah. Et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son bien et son sang deviennent sacrés, son jugement revient à Allah. Donc celui qui sera bénéfique pour lui, la ilaha illallah, n'est pas celui qui connaît le sens sans se désavouer de ce qui est adoré en dehors d'Allah. N'est pas celui qui le prononce et qui l'accepte sans se désavouer de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, ce n'est pas juste le prononcer ou le dire ou comprendre sa compréhension, comprendre son sens. C'est comprendre son sens, certes, le dire et se désavouer, l'appliquer, se désavouer de ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'accord ? Et se désavouer du polythéisme, de la mécréance et de ceux qui la pratiquent. D'accord ? Tu ne peux pas, alors que par exemple, il y a les fêtes de Pâques, les ulama ont dit que c'était interdit d'acheter les chocolats, les gâteaux, de ça, dès ces fêtes-là, qui ont été faites pour ces fêtes-là. Parce que si tu fais cela, le problème c'est quoi ? C'est que si tu fais cela, ceux qui ne sont pas musulmans te voient faire cela. Ou bien c'est la nouvelle année et tu vas participer au feu d'artifice. Les non-musulmans te voient. Allah Azza wa Jal dit, « Alladhina la yashhaduna az-zur » ceux qui ne témoignent pas de la fausseté. Toi, tu es là-bas. Eux, jamais, ils vont se dire dans sa tête, « Ah, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est peut-être pas ça qui l'a cru ou son intention. » Non, ils te voient là. Toi qui te prétends être musulman, tu es là, en train de faire ça, ou en train d'acheter leur confiserie, etc. Ou leur chocolat, etc. qui ont été faits pour ces fêtes-là. D'accord ? Et bien, ils vont penser que tu soutiens leur mécréance. Que tu supportes ce polythéisme-là. Que tu supportes cette fausseté-là. Et les savants ont dit que celui qui supporte une mécréance, ça fait lui un mécréant. Le danger, vous voyez, il est où ? C'est pas juste, non, je suis gentil. C'est pas une question de gentil, il faut craindre Allah. Celui qui craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable et lui donnera du risque d'où il ne pouvait pas s'imaginer. Subsistance d'où il ne pouvait pas s'imaginer. Donc ça, c'est pour la ilaha illallah, la ma'bouda bi haqqi illallah. Négation, affirmation. Et les conditions, ce sont les mêmes pour wa anna Muhammadan Rasulullah. Combien disent « Wa anna Muhammad Rasulullah » et ils l'opposent ? Ça veut dire quoi ?« Wa anna Muhammad Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il faut croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur, prophète et messager, dernier prophète et messager d'Allah Azza wa Jal. Il n'y en a pas après lui. Il ne faut pas écouter ceux qui disent qu'il y a un messager qui est venu après lui. Ça, c'est du kofr, ça. « Ijma' al-ulama » celui qui prétend qu'il y a un messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dernier prophète et messager, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a dit, « Elle est parachevée. » L'islam, c'est la religion de tous les prophètes et messagers. Alors d'où vient juif, chrétien? D'où ça vient ça? Alladhina tahawwadu walladhina tanassaru, ceux qui se sont rendus juifs et ceux qui se sont rendus chrétiens. Donc, tous ceux qui suivaient leurs prophètes et messagers et qui sont morts en suivant leurs prophètes et messagers, ce sont tous des musulmans. D'accord? Le premier prophète, c'est qui? Adam. Le premier prophète et messager, parce que ce n'était pas un messager Adam, c'était un prophète. Le premier prophète et messager, c'est Nuh. Entre Adam et Nuh, Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, Baina Adam et Nuh, 10 qurun, kulluhum ala al-khayr. Entre 10 siècles. Entre le prophète Adam et entre le prophète Nuh. Il y avait 10 siècles. Tous étaient sur le bien. Ils unifiaient Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Ils ne lui associaient rien. Puis, le peuple de Nuh, avant qu'il soit nommé en tant que prophète et messager, il y avait des hommes qui étaient pieux, très pieux. Et ils sont décédés, ils sont morts. Les gens avec émotion, ils n'agissent pas selon la législation, mais selon leur émotion. Donc, ils sont, le diable est venu sous forme humaine, leur a dit, construisez-leur des statues, et à chaque fois que vous passerez comme ça, vous vous en souviendrez. Donc, ils ont construit des statues. Les années et les temps sont passés, les générations sont passées, et la science était beaucoup plus faible. Le diable est revenu sous la forme humaine en leur disant « Vos ancêtres, adorez ces statues pour se rapprocher d'Allah. » Vous voyez, regardez ce qu'il a fait. Il n'a pas dit « Adorez ces statues tout seul. » Parce que les gens, tout le monde croit qu'Allah c'est son créateur. Et ils aiment Allah et ils veulent se rapprocher d'Allah. Ceux qui ont combattu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient mécréants, à la Mecque, Quraysh, parmi ceux de Quraysh, qui étaient polythéistes, ils aimaient Allah. Ils aimaient Allah. Et ils adoraient Allah. Et ils donnaient la sadaqa. Et ils faisaient le hajj. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a quand même combattus. Ils ne reniaient pas. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font dans la prédication, notamment. Lorsqu'ils disent « La ilaha illallah », ça veut dire « Il n'y a de créateur » quand c'est de croire sincèrement qu'Allah est ton créateur. C'est pas ça, « La ilaha illallah ». Donc alors, si tu dis ça, que tu dois croire qu'il n'y a que le seul créateur, croire avec certitude que le seul créateur, c'est Allah, donc ça veut dire que tu veux dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu des musulmans. Quraysh qui était des kuffars. Tu veux dire qu'il a été injuste? Subhanallah. Mais ça, c'est facilement réfutable parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhara ash-shamsa wal qamar, la yaquluna Allah. Et si, ô Muhammad, tu leur questionnes à eux, à ces mécréants, ces polythéistes, qui a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune? Ils répondront: c'est Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Et si tu leur questionnais qui vous a créé, ils répondront c'est Allah. Ils n'ont jamais renié que Allah était leur créateur. Non. D'accord? Où était le problème? C'est que eux, ils voulaient se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en adorant ces fausses divinités. مَنْ عَبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous ne les adorons que pour se rapprocher d'Allah. D'accord? Et donc le nizaa ici, la différence, les attaques qu'ils ont fait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que comme Allah azza wa jalla dit de ce que les polythéistes avaient dit, aja'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab. A-t-il fait de toutes les divinités une seule qu'on doit adorer? Il vient avec quelque chose d'étrange. Subhanallah. Donc ce qui est dangereux, c'est de savoir que Abu Jahl, qui était la tête de la mécréance, qui a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, savait ce que la ilaha illallah voulait dire. Il savait que la ilaha illallah, ça veut dire qu'on ne doit vouer l'adoration en toute vérité qu'à Allah qui seul mérite l'adoration, et on doit se désavouer de ceux qui t'adoraient en dehors d'Allah. Il comprenait ça, c'est pour ça qu'il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que lui, il voulait s'accrocher à ses divinités, dans soi-disant pour se rapprocher d'Allah. Il disait lorsqu'il faisait le hajj, labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, illa sharika lak. Subhanallah. On répond à ton appel, oh Allah, tu n'as point d'associé, excepté l'associé que tu as, un tel, un tel, un tel. Vous voyez? Donc, faut pas se tromper dans cela. D'accord? Donc, wa anna Muhammadan Rasulullah. Certes, on doit croire avec certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète et messager, serviteur d'Allah, azza wa jal, c'est le serviteur d'Allah et le dernier prophète et messager. Mais, il y a aussi un sens de cela. An nuti'ahu fima amar. Qu'on lui obéit dans tout ce qu'il a ordonné. Wa nusaddiquhu fima akhbar. Et qu'on croit à tout ce qu'il a informé. Wa an najtanibu ma anhu naha wa zajar. Et qu'on s'écarte de tout ce qu'il a mis en garde contre. Wa alla na'budu Allah illa bima shara'a. Et que nous adorons Allah comme uniquement qu'avec la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premier point, qu'on lui obéisse dans tout ce qu'il a ordonné. An nuti'ahu fima amar. Allah azza wa jalla dit dans sourate Al-Hashr, verset 7. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Ce que le messager vous a donné, ce que l'envoyé d'Allah vous a donné, vous a ordonné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et dans Sahih al-Bukhari, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis, excepté ceux qui refusent. Qila wa man ya'ba ya Rasulallah. Ils ont dit, mais qui aura donc dit, Ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Qui m'obéit entrera au paradis. Et qui me désobéit est celui qui refuse. Il n'est pas intéressé par le paradis. Il désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. An nuti'ahu fi ma amar. Qu'on lui obéisse sur tout ce qu'il a ordonné. Wa nusaddiquhu fi ma akhbar. Et que l'on croit à tout ce qu'il a informé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est vrai, on y croit. Même si on ne comprend pas le hadith, on y croit. On ne le réfute pas comme certains égarés font. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari, yahi. Barakallahu fikum. Le livre le plus authentique après le Coran. Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une mouche tombe dans ton verre d'eau, trempe-la complètement et tu la sors de l'eau et tu peux boire ton verre d'eau. Il a dit car dans une aile, il y a une maladie et dans l'autre, il y a l'antidote. Alors, ceux qui veulent utiliser leur petit cerveau, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est quoi ça? Une mouche, je mets dans le verre? Je crois pas à ce hadith-là. Je le rejette. Astaghfirullah. Ce qu'ils disent. Hadith, il est dans Sahih al-Bukhari, authentique. Et ils disent, comme il ne va pas avec mon cerveau, je le rejette. Il y a l'article que j'ai lu qui date de 2001. Une équipe de recherche, qu'est-ce qu'elle avait dit? Moi, je ne vais pas attendre jusqu'à ce que les équipes de recherche ils trouvent quelque chose pour commencer à y croire. Le prophète, il a dit, on y croit. Sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est, vous le trouvez, un article en anglais, dans lequel une équipe d'Australie travaille depuis 10 ans sur la mouche. C'est une thèse doctorale. D'accord. Et ils ont dit, et nous sommes les premiers. Je lisais ça, ça me faisait sourire, subhanallah. Ça fait plus de 14 siècles. Cet article-là scientifique, barakallahu fikum. Ils ont montré quoi? Ils ont dit, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Et ils ont dit, on a trouvé sur une aile d'une mouche un traitement thérapeutique. Donc, va voir combien de siècles il leur faudra pour trouver dans l'autre aile hein, qu'il y avait aussi une maladie. Subhanallah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on y croit. On y croit. An tusaddiquhu fima akhbar. Wa an tajtanibu ma anhu naha wa zajar. Et que tu évites et tu t'écartes de tout ce qu'il a interdit ou mis en garde contre. D'accord? Allah Azza wa Jal dit dans Sourate An-Nur: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que ceux qui désobéissent à son ordre prennent garde. Que ceux qui désobéissent à son ordre prennent garde qu'une fitna hein, ou un dur châtiment tombe sur eux. Un homme est venu voir l'imam Malik, rahimahullah, imam Darul Hijra. Il était très dur envers les innovateurs, l'imam Malik. Qu'est-ce? Il avait dit quoi ça? Il avait dit, je veux faire le hajj. Je ne sais plus si c'est le hajj ou l'arma. Il avait dit, donc d'où je dois hein, commencé avec le miqat, l'ihram. Il lui a dit là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Il a dit, mais moi je veux le faire à partir de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ne fais pas ça. Car si tu fais cela, je crains pour toi la fitna, le trouble. Il lui a dit, mais quelle fitna? C'est juste quelques mètres. Quelques kilomètres à rajouter. C'est quoi le problème? C'est juste une question. D'accord? Il lui a dit, Akhsha alayka al-fitna. Je crains pour toi la fitna, le trouble. L'imam Ahmed, l'imam Ahl al-Sunnah, s'il avait dit, il avait dit, la fitna, c'est zayr. Soit tu t'égares. Ou al-dalal, ou al-maut ala ghayr al-islam. Ou bien mourir en dehors de la religion de l'islam. Si l'individu délibérément continue à désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez le danger ? Que tu évites tout ce qu'il a interdit ou mis en garde contre. Parce que y a des choses que nous on croit que c'est bien, mais c'est mauvais. On ne sait pas tout nous. C'est Allah Azza wa Jal qui a la sagesse, qui a toute la sagesse. C'est Allah Azza wa Jal qui sait ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien. Vous allez peut-être aimer une chose, mais c'est un mal pour vous. Vous allez peut-être détester une chose, mais c'est un bien pour vous. Et Allah Azza wa Jal dit, je vais terminer, inshallah. Et Allah Azza wa Jal dit, vous allez peut-être détester une chose, mais Allah Azza wa Jal y mettra beaucoup de bien. Donc, la balance, c'est quoi? C'est ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné. Nous, on ne sait pas. Nous sommes faibles, des créatures. Il suffit qu'on ait atteint d'une fièvre, on est pendant une semaine au lit. Allah. Tu vois? Donc, il faut juste patienter. Barakallahu fikum. Wa an la ta'bud Allah illa bima shara. Et que tu n'adores Allah qu'avec ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. On doit adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. Allah Azza wa Jal a ordonné qu'on fasse ce nombre de salats de cette façon. Bien, on se doit de suivre ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné. Allah Azza wa Jal dit: "Man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah." Subhanallah. Yuti', il est au présent, il est celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Et Allah Azza wa Jal dit: "Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli amri minkum." Et obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc, on doit adorer Allah Azza wa Jal comme Allah Azza wa Jal l'a légiféré, avec la législation avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa la ta'bud Allah illa bima shara. Parce que si tu veux adorer Allah avec autre chose que ce qu'il n'a pas légiféré, ce n'est pas accepté. Allah n'accepte pas. Allah accepte que ce qu'il a légiféré. Comme nous avons dit dans les hadiths, au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Celui qui invente quelque chose qui ne fait pas partie de notre ordre, cela se verra rejeté. Dans Sahih al-Bukhari Muslim. Et dans Sahih Muslim, aussi selon Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man amila amalan qui fait un acte, une œuvre, laysa alayhi amruna, qui ne provient pas de notre ordre, se verra rejeté." Subhanallah. Donc on se doit d'adorer Allah Azza wa Jal comme Allah l'a décidé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Sallu, priez comme vous m'avez vu prier." D'accord? On ne prie pas comme on croit, on va rajouter des choses dans la salat. Par exemple, on a au bled lorsqu'il se lève du ruku, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné wa shukr? Elle vient d'où wa shukr? Barakallahu fikum. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Donc si on veut faire des actes d'adoration, il est important de s'assurer qu'on a une preuve. Parce que « la ibada illa bidalil wa nas » Pas d'acte d'adoration, c'est la règle ça en islam. Pas d'acte d'adoration excepté si tu as une preuve. Les actes d'adoration sont restreintes. Tu n'as pas le droit de faire un acte d'adoration excepté si tu as une preuve. Alors que dans la dunya, dans ce monde d'ici-bas, c'est que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Alors que dans les actes d'adoration, tout est interdit jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et des gens mélangent entre les deux, en fait. Et ils font tromper les musulmans. Ils disent non, tu peux quand même faire. D'accord ? Ce qu'ils arrivent jusqu'à ils en arrivent à dire bid'a hasana. Pourquoi ? Parce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit ni'ma hadhihi al-bid'a dans Sahih al-Bukhari lorsqu'il voulait rétablir le tarawih. Alors, le tarawih, qiyam al-layl fi Ramadan pendant le mois de Ramadan, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une innovation, barakallahu fikum, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Puis lorsque les compagnons ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les prières nocturnes, ils sont mis à informer les gens. Et la mosquée a commencé à se remplir, à se remplir, à se remplir. Et le quatrième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Jusqu'à Salat al-Fajr. Dès qu'il est sorti, il les a trouvés. Il a dit, votre présence, je savais que vous étiez là. D'accord ? Mais je craignais qu'Allah la rende obligatoire et que la communauté la délaisse par la suite. Vous voyez ? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas délaissé chez lui, il continue à faire le qiyam al-layl, les tarawih, chez lui. Mais tant qu'il est vivant, la législation d'Allah azza wa jal peut continuer tant qu'il est vivant. On est d'accord ? Donc là, il y avait un mana, il y avait quelque chose qui avait empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il craignait en fait que Allah azza wa jal la rende obligatoire et que les musulmans, ils deviennent paresseux par la suite, la délaissent et donc ils tombent dans le péché. Ensuite, il y a eu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu la khilafa de Abu Bakr al-Siddiq, qui était court de 2 ans à peu près. Et lui, il a passé donc sa gouvernance en train de combattre Ashab al-Ridda, ceux qui ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en refusant donc de croire en l'obligation de la zakat notamment. Et ils ne voulaient plus la donner, ils ont dit on l'a donnée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne la donne plus. Ensuite, après la mort de Abu Bakr, c'est de dire il y avait Omar ibn Khattab qui, au départ, avait les combats avec les Perses et les Romains. Et après, donc, durant le Ramadan, il y en avait qui priaient ici. Il leur dit on va les réunir sous un seul imam. C'est comme le prophète sallam faisait. D'accord ? Mais tout cela parce qu'il y a eu tout ce laps de temps. D'accord ? Et lorsqu'il a dit « ni'ma hadhi al-bid'a », ce n'est pas le bid'a al-shar'iyya, comme Ibn Rajab, rahimahullah, a dit « la yurad bihi al-shar'iyya, walakin al-qawliyya ». C'est dans la prononciation, dans le langage. D'accord ? C'est que depuis la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été rétabli. Lui, il l'a rétabli. D'accord ? Alors que dans la législation, elle était légiférée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la faisait. D'accord ? Donc, ils ne peuvent pas utiliser le hadith en disant que celui qui instaure une bonne tradition. Il ne faut pas tromper les gens. Il y avait un imam qui faisait les khutbahs et qui l'envoyait les trucs. Je voyais ce qu'il avait écrit. J'avais écrit. Il avait traduit « sunna hasana », une bonne tradition. Il l'a traduit par une bonne innovation. Il n'a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qui instaure une bonne tradition et que les gens les suivent. Elle a une histoire, ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui n'avaient pas. Ils n'avaient rien. Il leur a dit qui peut donner en sadaqa ne serait-ce la moitié d'une date, il aura une énorme récompense. Il y a un sahab, il est parti chercher tout ce qu'il pouvait, il l'a mis au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde s'est mis à faire comme lui. D'accord ? Eh bien, il reçoit la récompense de tous ceux qui ont fait comme lui, sans rien diminuer. D'accord ? Mais ce n'est pas innovation. Il ne va pas instaurer une innovation. Le prophète Rassim, il a dit « Kul bid'a dalala », toute innovation est un égarement. « Wa kul dalala fil nar ». Donc, ceux qui disent qu'il y a des bonnes innovations, alors il doit dire « Le prophète Rassim fait la khutba », le prophète Rassim dit « Kul bid'a dalala », il se lève et il dit « Non, pas kul bid'a dalala ». Subhanallah. Donc, si l'individu dit « Pas kul bid'a dalala », pas toute innovation est un égarement, il est obligé de dire que pas tout égarement mène au feu de l'enfer. Il doit lier ça. D'accord, barakallofikum. Donc ça c'est important, on avait vu, on a pris un peu de temps, barakallofikum, pour le sens des deux attestations de foi. La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, et nous avons expliqué, incha'Allah, dans le détail. Jazakum Allah khair, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.